des éclaireurs postés un peu partout dans le hood. Dans le 13 y'a la flop qui vient de la boîte de Raoult. À Marseille c'est la guerre, t'inquiète, j'en veux rock good. J'suis dans mon mood. Les MC s'effondrent comme à la rue d'Aubagne. Au State ils ont Kaylee, Numa et Wagenham. On n'a pas les Champs-Élysées, on marche en bande organisée. Dans la calage et l'RPG, Marseille très organisé. On a l'impression d'être en coach, c'est le Verdansk. Passe au charbon, y'a même une Happy Meal. Besoin de compter, de sentir le papier. La pauvreté, ça nous fait gamberger. J'arrive en 2-2, c'est hard. C'est dark quand on débarque. On est dans le jeu, on est dans le bain. On est dangereux, t'inquiète on est tarpin. T'inquiète on est tarpin, fais tourner le tarpé. Tu connais le cartel, tu connais le quartier. Tu l'as quitté par tel, bordel. Et Tarzel, t'as fait un bordel. J'suis dans mon cocktail, mon album. Ça vient de Marseille, poto, ça cartonne. Là j'vais à l'hôtel, au Carlton. Elle me cherche depuis que j'suis dans le top 10. Wanted, trop de dettes. Poussette, ça sent la cachette. Et ta pute elle est pas bonne, elle est refaite. J'te fais un trou quand tu veux sur la A7. La guitare, le mitard, ça haggar, ça entend dans les rancards. J'ai les yeux rouges devant les motards. J'ai mis un réseau dans mon pétard. Y'a pas de Tupac, pas de Biggie. C'est Marseille, ma habiba. Et les tétés, j'ai commandé ta cosse sur ce Biggie. J'suis les way, je me rhabille pas. Et les tétés, que des cassos. Ça sort dans la fosse, ça sort le matos. Ça sonne vers la rose, ça lève le cross, beau gosse. Ambiance est atroce, et pas le chauvatos. Y'a pas des assos. J'suis pas de ceux qui parlent sans savoir. Les couilles pas dans la bouche qu'il faut les avoir. Fais pas la pire pute, descends pas tout le monde pour la gloire. Tiens voyou toi que quand tu te mets à boire. Les narras vivent pour le bif, ça chasse le king. Ça veut braquer ta recette, ça veut tes loki. On est dans la warzone, j'te fais pas de croquis. Tu fais le vaillant dans la boîte, sors sur le parking. C'est danger comme quand t'es cocu. Ou quand ça vient chargé en gros cul. Tu comptes sur une salope, qui compte sur une salope. Chargé, j'vais leur dire qu'il veut une balle dans le cul. Une poursuite dans la tête, une moto en l'air. Quand c'est pour délover, t'es toujours à l'heure. Même à ton ami, tu souhaites le malheur. T'es un gros porte-couille, j'te donne pas l'heure. RSQ3, j'ai la bandite. C'est la warzone, rend nous visite. On m'appelle la machine que des gros hits. On est très organisé comme dans Hit. J'fais ce que dans le milieu, tireur d'élite. Ça va faire 7 puisque j'suis dans l'élite. Les petits ont les dents, ils veulent se faire Little. Little, j'suis pas mourir comme la star des Beatles. Combien j'en ai fait profiter des profiteurs. Dire que je vis ma vie grâce à l'auditeur. Ni que les jaloux, j'fais crier l'auditeur. Ça pilote mieux la moto que le moniteur. Personne. Elle fait de la place, millionnaire, bien chien de la case. Personne. Ça tille sa brasse, ça crosse sa braque, pour se cache la blague. Personne. On a faim sa mère, y'en a qu'un les dents, y'en a qu'on pas de salaire. Personne. On rapplique, très organisé comme dans Hit. J'entre dans la zone, le petit regard de travers. Il me dit j't'ai jamais vu, normal j'ai l'âge de ton père. Même si tu fais ton job, ne fais pas ton gangster. Tu vas manger une grosse taque et tu vas tomber par terre. J'fais le hazi, demande à Kouzi. Comme la série de Massi, là tu pars chez dans le Mazi. Allez vas-y, joue le nazi. Ça fait fume, fume, pute, pute devant la voisine. Y'a que la coco. Ils ont chargé le produit, mais toujours les mêmes blocs depuis l'époque de Gandhi. Lève à mon auto et fait mouiller les gadgets. C'est toujours les mêmes folles attirées par les bandits. Welcome dans le Vex, welcome dans la Warzone. Mental de fils de Joey Parton. Ça te viscère, ça te parle mal. Un 3 ça vend par kill, ça vend par tonne. Tu mets trop de temps, pas besoin de toi. Petit mouton, je te mets un doigt. J'y vais doucement, j'y vais tout doux. Jamais j'ai porté de gants comme un toutou. Ouais, truc de fou sur le pont à la race, bye. Visse le coup sur un T-Max, bye bye. Très organisé, poteau, c'est costaud. Au pire, on sortira le V2 pour les ratailles. Préviens ton fiston, j'avance en piston. Tu me joues les serpents, je te sors le piton. La street sur le guidon, qui cherche la plata. T'arrache tout, t'es mort, t'arrache ta tata. Pa pa pa pa. Fusil de chasse, on va pas se taper. Ramène-toi, on va voir Statam. Y'a que les trucs, on a pas tâté. 2K20, ça vise pas la taille. Comment tu fais pour l'inspirer? J'ai tendance à me brancher l'esprit, ça se finit mal. Faire vague, c'est ce jamais. Touche la mif, enchaîne neuf. Marseille vif, y'a des boîtes chez neuf. Grosse berline, petite palette, ma baby. Et si je cache, où j'ai mis ça comme tout ce que je gagne. Du bonjour gringo, y'a tout qui part des chines, je tape. Et si je cache, où j'ai mis ça comme tout ce que je gagne. Du bonjour gringo, y'a tout qui part des chines, je tape. La place, millionnaire, bien chien de la case. Personne. Ça tille sa brasse, ça crosse sa braque, pour se cache la blague. Personne. On a faim sa mère, y'en a qu'un les dents, y'en a qu'on pas de salaire. Personne. On rapplique, très organisé comme dans Hit.